at me like a fool. Okay, stop. Tu où es-tu? Mais moi je ne t'ai pas perdu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je suis parti un soir d'été, oh mamie, sans dire un mot, sans t'embrasser, oh mamie, sans un regard sur le passé, oh mamie, que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier, oh mamie, quand j'étais près de toi, maman. Oh mommy, oh mommy, oh mommy, oh mommy, oh mommy, mommy blue. Oh, mommy, mommy.